طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme on a dit tout à l'heure, inshallah ta'ala, on va essayer de finir la risala bi idhnillah ta'ala. Il nous reste deux hadiths. On va voir aujourd'hui inshallah ta'ala deux sujets importants: l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le fait d'aimer Allah et son messager. Et donc l'auteur qui nous dit حفظه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت من وكذب ما جئت به من الحق رواه البخاري ومسلم. Et donc selon Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon exemple et l'exemple de ce avec quoi Allah m'a envoyé est comme l'exemple d'un homme qui vient à son peuple, à sa communauté, en disant « Ô mon peuple, certes, j'ai vu l'armée de mes propres yeux, et certes, je suis l'avertisseur dénudé. » L'avertisseur dénudé, ce qui est voulu ici. Les savants nous disent que cette expression, elle est donc, c'est une expression qui est utilisée par les Arabes, et qui est utilisée pour prévenir d'un grand danger. Il cite l'histoire d'un homme qui s'est marié avec une femme d'une autre tribu. Un homme qui s'est marié avec une femme d'une autre tribu. Et cette tribu-là a voulu attaquer la tribu de l'homme. La tribu de la femme a voulu attaquer la tribu de l'homme. Et ils n'ont pas voulu que cet homme ait le temps de prévenir sa tribu, de prévenir les siens. Ils l'ont donc dénudé et ils l'ont surveillé, sauf que celui-ci a pu fuir. Et donc, il est allé prévenir son peuple, leur disant donc qu'il y avait l'ennemi qui allait les attaquer. Il est allé les prévenir, il était dénudé. Et depuis, cette expression est rentrée. Donc, chez les Arabes, ils l'utilisent à chaque fois pour prévenir d'un grand danger qui va arriver. Donc, « Wa ana inni nadhir el-uryan » Donc, moi, je suis donc l'avertisseur dénudé. Alors sauvez-vous. Et donc il y a une partie qui l'ont obéi, et ceux-ci donc ont voyagé de nuit. Edledju, donc ils sont partis, ils ont voyagé de nuit. Et ils sont partis donc tranquillement à la Mouhlihim, et donc ces gens-là, ils furent sauvés, parce qu'ils ont obéi à cet avertisseur. Et il y a un autre groupe qui ont désobéi. Et donc, l'armée les a attaqués à l'aube. Sabbahahum al-jaysh. Donc, l'armée les a attaqués à l'aube. Et donc, il les a tous menés à la perdition. Ils les ont tous fait périr. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: ceci est l'exemple de ceux qui m'ont obéi et qui ont suivi ce avec quoi je suis venu. Et l'exemple de ceux qui m'ont désobéi et qui ont traité de mensonge ce avec quoi je suis venu. Parmi Al-Haq, la vérité, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, au cher frère, il nous montre le danger qu'il y a dans la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est voué à la perdition. Et ça, encore une fois, c'est le manhaj salafi. Le fait que nous plaçons le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de toute chose, au-dessus de quiconque parmi les hommes, et que nous nous efforçons de lui obéir. Celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam se met dans une situation dangereuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Kullu ummati yadkhulun al-jannah. Toute ma communauté rentre au paradis. Illa man aba, sauf celui qui refuse. Mais qui refuse au messager d'Allah? Il dit celui qui m'obéit, man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit rentre au paradis. Wa man asani faqad aba. Et celui qui me désobéit aura refusé de rentrer au paradis. Et donc il est important, chers frères, qu'on se concentre sur ce point-là. Le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous voyez, ce sujet il est général. Ce sujet il est général. Ce n'est pas donc le fait de se dire j'obéis au prophète dans la aqida, je suis la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant les péchés, je suis da'ir, je suis perdu. Non, il faut que tu suives le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi kulli saghiratin wa kabira, dans tout sujet, les plus grands et les plus petits. C'est vraiment un principe fondamental que nous devons éduquer nos propres personnes sur ce sujet. Et certes Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit "Wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam." Certes celui qui désobéit à Allah et à son messager, il aura le feu de l'enfer khalidina fiha, et donc éternellement. Et donc il est important, chers frères, qu'on se concentre sur le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et à son messager. Et il y a une grande récompense pour ceux qui obéissent à Allah et à son messager. Wa man yuti' Allah wa ar-rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Et celui qui obéit à Allah, ceux qui obéissent à Allah et à son messager, alors ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits. À chaque fois on est là, on prie dans sourate al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie de rectitude, guide-nous sur la voie de rectitude. Chaque prière, on vient de prier Fajr, guide-nous sur la voie de rectitude. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider sur la voie de rectitude, la voie de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits. Qui sont ces gens-là? Hein? Qui sont-ils? Alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin, parmi les prophètes. Was-siddiqin, les véridiques. Was-shuhada, les martyrs. Was-salihin, les pieux. Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, il nous dit, à partir du moment où tu es sur la voie de ces gens-là, peu importe qui te contredit. Peu importe qui te contredit. Même s'ils sont nombreux ceux qui te contredisent, parce que tu sais que tu es sur la voie des pieux, des véridiques, des martyrs, des prophètes. Et donc tu restes ferme sur cette voie. Et cette voie-là, c'est la voie de ceux qui ont obéi à Allah tabaraka wa ta'ala et à son messager. Et donc nous devons nous efforcer, chers frères, barakallahu fikoum, d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Et donc, que craignent ceux qui désobéissent à son ordre, qu'ils ne soient touchés par une fitna ou un châtiment douloureux. Une fitna, les savants, ils nous disent « el-kufr ». El-kufr. Le fait que la personne désobéisse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela peut l'amener à la mécréance. Cela peut l'amener à la mécréance. Et donc, nous devons faire des efforts. Ne craignez, ô les frères, ne minimisez pas les péchés dans lesquels on peut tomber. Tu ne sais pas quel péché peut être la cause que tu sortes de l'islam par la suite, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Le hadith d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, an Anas radiallahu anhu, an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, a kal, thalathun man kunna fihi, wajada bihinna halawat al-iman. Il y a trois caractéristiques. Quand celles-ci, elles sont rassemblées chez quelqu'un, alors celui-ci aura goûté au délice de la foi. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Que Allah et son messager soient plus aimés pour cette personne que quiconque. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Et que cet individu, il aime un autre ou qu'il ne l'aime pas, mais que cela ne soit que pour Allah, tabaraka wa ta'ala. وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Et troisième caractéristique, que l'individu déteste retourner à la mécréance de la même façon qu'il déteste être jeté dans le feu. Et donc, ô chers frères, ce hadith, il est dans la continuité du hadith qu'on vient de voir précédemment. Précédemment, on a vu l'importance d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et d'obéir à son messager. Sache que le fait que tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala et que tu aimes son messager, ceci est une des plus grandes causes d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah il nous dit « Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni » Allah il nous dit « Dis, il dit à son prophète, dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Alors suivez-moi. » Et donc le fait d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala, d'aimer son messager, est une grande cause pour leur obéir et délaisser toute forme de désobéissance. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous cite donc une des caractéristiques apparentes des croyants qui est le fait qu'ils aiment Allah tabaraka wa ta'ala. Ils aiment leur Seigneur. Et certes leur Seigneur, il les aime. Allah tabaraka wa ta'ala, il aime les croyants. Et donc il est impératif, ô chers frères, qu'on ait ça en nous et ceci est une obligation. Ceci est une obligation. Le fait d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'aimer Allah plus que toute chose. Plus que toute chose. Le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela donc suit le fait d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala. On aime le prophète car il est le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite aussi dans ce hadith, donc, le fait que lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes que pour Allah. Tu ne l'aimes que pour Allah. Ça, c'est un principe fondamental. Aujourd'hui, les incroyants, ils veulent retirer de notre religion tout ce qui est lié à l'alliance et au désaveu. Tout ce qui est lié à l'alliance et au désaveu. L'alliance, c'est le fait que les croyants, ils se soutiennent et qu'ils s'aiment pour Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qu'on appelle l'alliance. Le désaveu, ils nous disent les ulama, le fait de détester tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala, ils détestent. Et ceci est un des fondements de notre religion. Ceci est un des fondements de notre religion. Et donc, ô chers frères, barakallahu fikoum, ne laissez pas les gens vous faire croire que ceci ne fait pas partie de notre religion. Vous le voyez bien dans ce hadith. Faisant partie des principes de notre religion, que lorsque tu aimes quelqu'un ou que tu ne l'aimes pas, c'est que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Cette personne qui désobéit à Allah, ou alors cette personne qui obéit à Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'accroche à la sunna, tu l'aimes pour ça. Tu ne l'aimes pas parce que cette personne a de l'argent, cette personne elle t'amène au snack, cette personne elle t'amène des pizzas tous les soirs, ou je ne sais pas quoi. Hein? Cette personne, elle t'a offert une voiture. On n'en a rien à faire de ça. On n'en a strictement rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes qui nous amènent vers le bien, des personnes qui nous tirent vers le bien, qui nous montrent nos défauts. C'est pour ça qu'on aime un tel. On aime un tel parce qu'il vient nous voir et nous dit, une fois t'as dit ça, c'est pas correct. Une fois t'as dit ça, là, il y a Jews. Et c'est pour ça qu'on aime une personne qui nous montre nos défauts. Et donc ça c'est important, barakallahu fikoum, le fait qu'on s'aime pour Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup de personnes, elles ont du mal à accepter qu'on vienne leur montrer les défauts. Certaines personnes ont du mal avec d'autres personnes, pourquoi? Ah parce qu'il m'a critiqué une fois, il m'a dit une parole, j'ai pas accepté. Tu méritais cette parole qu'il t'a dit. Il a eu raison ou il a eu tort? Ouais, il a eu tort, mais il a eu raison, mais il a été dur. Alhamdulillah, remercie-le. Même s'il a été dur. Mais non, aujourd'hui, les personnes, ils aiment ceux qui leur disent « Mashallah, Abdelkarim, Allahumma barak, non toi, t'as pas de défaut, ainsi, etc. etc. » Voilà ce que les gens, ils aiment. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ça, les frères. Barakallahu fikoum. Il faut qu'on fasse attention à ça. Et ça, ça fait partie des principes de notre religion. Le fait d'aimer Allah et son messager, le fait de nous aimer mutuellement. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un principe très important, le fait de détester la mécréance. Le fait de détester la mécréance et de détester en réalité toutes les causes qui mènent à la mécréance. Détester les péchés. Détester les péchés commis par la langue. Détester les péchés commis par les yeux. Détester les péchés. Toute forme de péché. Parce que toute forme de péché peut te mener à la mécréance. et tu détestes la mécréance. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu détestes la mécréance de la même façon que tu détesterais être jeté dans le feu. Une question, s'il y a un feu ici qui prend le bâtiment, est-ce qu'on va rester à côté du bâtiment? Personne ne va rester à côté. On va tous s'éloigner de ce bâtiment. De la même façon, tu vas t'éloigner du péché. Tu ne laisses pas le péché à côté de toi comme ça et t'es là tranquillement, non c'est bon, je ne vais pas tomber dedans. De la même façon que tu détestes le feu, tu dois détester la mécréance. Et encore une fois, ce hadith, il a été utilisé par certains savants pour montrer l'importance de la hijra. Tu sais que le kufr, la mécréance est répandue dans un pays, tu dois détester la mécréance de la même façon que tu détesterais être jeté dans le feu, et donc tu t'éloignes du feu, de la même façon que tu t'éloignes de la mécréance qui est dans ce pays. Tu ne peux pas rester dans un pays comme ça, fi wasat al-kuffar, des ambiguïtés qui te viennent nuit et jour, tu es là, nuit et jour, tu es là sous la pression, hein? On n'entend pas l'Eden, il n'y a rien, le rappel d'Allah, c'est difficile, c'est que des péchés. T'es là, tu conduis, tu vois des photos, des images, des publicités de femmes dénudées qui font baisser ta foi. Et on est là, on reste 5 ans, 10 ans, 15 ans, ajma, je rassemble de l'argent. Elle est où la crainte, la peur de la mécréance? Ne pensez pas quand vous voyez des prédicateurs ici, ne pensez pas que c'est un plaisir, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas un plaisir. Hein. Wallah, on est tranquille, on est bien dans les pays musulmans. Mashallah, nos enfants ils veulent sortir, ils sortent comme ils veulent. Alhamdoulilah, on les amène dans les parcs, il n'y a pas de problème. Ici, il faut tout contrôler ici. C'est une pression. Et donc, barakallahu fikoum, les frères, faites l'effort, ne restez pas ici. Faites l'effort de partir. Faites l'effort de partir. Peu importe, ne cherchez pas la hijra 5 étoiles, je veux avoir de l'argent, il faut absolument que j'ai ci. C'est pas ce qui t'est demandé. Il t'est demandé de protéger ta religion. Il vaut mieux pour toi être pauvre dans un pays musulman, hein, et manger du pain tous les jours que avoir de l'argent ici. Peut-être que vous n'avez pas encore connu ça. Moi, je vous le dis, moi, j'ai grandi dans une famille. Quand on était petit, on mangeait du pain. Ça arrivait qu'on mangeait que du pain. Que du pain. Quand il pleuvait dehors, il pleuvait dedans. Quand on devait aller aux toilettes, on allait dans les champs. Quand on devait aller chercher de l'eau, on allait à la source. Et pourtant, ça ne nous a pas tués. On est tous là, mes frères, mes sœurs, on est tous là, on a grandi, on a éduqué, on a appris, alhamdoulilah. Et donc, il ne faut pas penser que le fait que tu sois pauvre soit un mal pour toi. Moi, ça n'a pas été un mal pour moi. Ça n'a pas été un mal pour moi. Pourquoi ça sera un mal? Ça n'a pas été un mal pour moi, j'étais mécréant. Que dire si je suis musulman? Le prophète, il nous dit « Mal faqra akhsha alaykoum ». Ce n'est pas la pauvreté qui me fait peur vous concernant. Rappelez-vous de ça, les frères. Rappelez-vous, ce n'est pas la pauvreté qui fait peur. Et donc, nous devons faire des efforts, ô chers frères, pour nous éloigner de la mécréance sous toutes ses formes. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite et de nous faciliter à tous la hijra. Il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا